encore couché. Les techs viennent frapper chez moi. Police ouvrée, j'ai dû plonger quelques mois. Déférés ensuite, tribunal d'instance de mots. Fleurit la poisse, le mal se résume en deux mots. Encore arrivant, je découvrais, j'étais primaire. J'ignorais tout, les quartiers disciplinaires. La mocheté des lieux, l'hygiène de vie s'est gradée. Plus le temps passe et je vois que la France aime se dégrader. État de mes seufs, on tient quitte à prendre 20 ans. Je représente tous les refs qui portent leur couille à plein temps. Derrière la porte, les innocents condamnés. Les pavures, peu importe, ceux qui ont raté tant d'années. Les menottes serrées, extraits pour une autre affaire qui date de 2000, putain je n'ai pas que ça à faire. Déjà emprisonné, au pire j'ai déjà où crécher. Des 5 rifleux, j'ai même pas voir où cesser. On fait du rap pour les frères emprisonnés. Toutes ces vies volées, parti loin du ghetto isolé. Je vais déployer mes ailes, puis voler. Débrouiller de moi-même, impossible sans être pistonné. Du rap pour les frères emprisonnés. Toutes ces vies volées, parti loin du ghetto isolé. Je vais déployer mes ailes, puis voler. Débrouiller de moi-même, impossible sans être pistonné. Ce mode de vie que même les rats ne veulent pas connaître. À l'aide d'un bout de carton, je me fabrique ma boîte aux lettres. Débrouillard, les combines, puis les totos. Les trouillards, plein leurs copines, leurs potos. Je te raconte ça, puis tu sens que ça pue le vécu. 78-500, trop puissant ça depuis le début. On a connu, du dépôt jusqu'au prétoire. Je l'ai pas voulu, revoir ghetto pour espoir. Je suis bourré de feinte, là juste pour me connaître par cœur. Nique ta mère et tes ânes, dans ton cœur de ton marqueur. Tu vas la faire. Oh là je peux pas les cerner. Les concerner, venez à mes concernés. Payez vos places et seulement mettez-moi bien. C'est vrai je n'ai pas les mots classe. Mon profil rappelle-toi bien. Faire mon parcours, ce que j'ai tout seul je l'ai acquis. La France je la maquille, le rejet peu de sympathie. On fait du rap pour les frères emprisonnés. Toutes ces vies volées, parti loin du ghetto isolé. Je vais déployer mes ailes, puis voler. Débrouiller de moi-même, impossible sans être pistonné. Du rap pour les frères emprisonnés. Toutes ces vies volées, parti loin du ghetto isolé. Je vais déployer mes ailes, puis voler. Débrouiller de moi-même, impossible sans être pistonné. On fait du rap pour représenter les nôtres. Ceux qui nous soutiennent se souviennent sur scène. Quand nos premiers pas nous viennent, fallait que je devienne premier pas deuxième. Banlieue parisienne, faut bien qu'ils comprennent d'où les phénomènes proviennent. Pour être honnête, délinquant j'ai beau l'être, je devais être roulette. Tu passes ton temps sur nos lettres. Petit jeune détenu, éloigné loin de toutes ces tours. J'aimerais poser ce dièse l'amour que j'ai pour. J'vis pas les royaumes, les coins chics puis les beaux coins. Ça a beau point, mais des fois nos rimes au point. On le fait pour nous, s'échapper puis se consoler. La vie dure nous, comme voir son fils consommer. Ça paraît absurde, quand t'as grandi aisément. C'est gênant, je n'ai pas menti, j'ai gément. J'vis pas les villas, pas fils riche entrepreneur. Sur le plateau je demeure, pour prendre ta place je suis preneur. On fait du rap pour les frères emprisonnés. Toutes ces vies volées, parti loin du ghetto isolé. Je vais déployer mes ailes, puis voler. Débrouiller de moi-même, impossible sans être pistonné. Du rap pour les frères emprisonnés. Toutes ces vies volées, parti loin du ghetto isolé. Je vais déployer mes ailes, puis voler. Débrouiller de moi-même, impossible sans être pistonné. Du rap pour les frères emprisonnés. Toutes ces vies volées, parti loin du ghetto isolé. Je vais déployer mes ailes, puis voler. Débrouiller de moi-même, impossible sans être pistonné. Du rap pour les frères emprisonnés. Toutes ces vies volées, parti loin du ghetto isolé. Je vais déployer mes ailes, puis voler. Débrouiller de moi-même, impossible sans être pistonné. Mon pote Yacine, oh, 59 là-bas là. Et 64, production, Ligma, Seven A, Sartrouville, le plateau, Tonnerre, oh, mes petits potes au chien là-bas là, à la Marinière, et au 8-4, au Vieux Pape, oh, même les poteaux plantés à la gare là-bas là.